Les règles de mise en place de la signalisation sont faites pour que les conducteurs repèrent et comprennent, le plus vite possible, les renseignements utiles à la conduite. Ici, les trois barres placées sous le panneau de passage à niveau indiquent que le danger est environ à 150 mètres, puisque l'on est à la campagne. Sous le panneau qui annonce le stop, le panonceau précise que l'intersection est à 100 mètres du panneau. Donc je vais rencontrer d'abord l'intersection, puis le passage à niveau peu de temps après. Réponse B.